17h30, 19h30. La case du soir. Vous êtes sur Radio Antigone. Bonsoir et bienvenue. Votre émission hashtag Restez chez vous se refait une beauté et devient la case du soir. Vous l'entendez depuis 17h30 sur notre antenne. Une émission mieux préparée, des noms de chroniques harmonisées. Mais ce qui n'a pas changé, c'est la bonne humeur de toute l'équipe. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Malgré le problème technique de 17h30. Oui, bon, ça va aller pour les prochaines fois. Je voulais donc dire quelques changements en ce lundi sur Radio Antigone, et plus précisément pour votre émission spéciale confinement. Elle se voit aujourd'hui, changer de nom à partir de 17h30, la case musicale avec Matt, que l'on vient d'entendre. La 15 info qui vient de se terminer, c'est avec Antoine. Et puis, pour finir, à partir de 18h40, maintenant, donc, la dernière partie de votre case du soir, la case Talk. Cette dernière case de l'émission, c'est celle qui est un peu plus détente, celle avec de la bonne humeur et qui vous permettra de ne plus penser à vos galères de la journée de confinement. Alors oui, je vous entends d'ici, vous vous demandez ce qui va permettre de réaliser cette belle promesse. Eh bien, il y a tout d'abord Matt. Bonjour Matt. Matt. Salut Matt, peut-être Matt, bonjour. Oui, allô. Bonjour, c'est Mathieu. Bonjour Matt, nous te retrouvons dès 19h04 pour la case numérique, ainsi qu'à 19h10 pour ta chronique. Quel sera le programme de ta chronique? Ma chronique, je vais vous parler d'un événement dans l'univers du rap. C'est le rappeur Nekfeu qui a arrêté sa carrière. Très bien, à tout à l'heure Matt. Antoine est toujours présent, bonsoir Antoine. Et moi je vous retrouve à 19h, j'ai oublié de te dire 19h pour le rappel des titres. Voilà, très bien, et bien c'est ce que j'allais dire. Je crois que j'ai oublié de présenter quelqu'un, mais on va être obligé de combler. Donc au programme, normalement il n'est pas là. Donc on va faire une petite case d'avant, vous savez, l'ancien journal d'avant. On va le faire dans 3 minutes après avoir écouté un peu de musique, le temps qu'on reprenne un petit peu, qu'on remette en place tout ça. En l'absence de Boubou-Fez, la case d'avant arrive dans 3 minutes après Fishback. C'est un autre que moi et c'est sur Radio Antigone. Bienvenue à tous dans la case du soir. C'était Fishback avec un autre que moi sur Radio Antigone. Bienvenue à tous, il est 18h45, l'heure de remonter dans le temps. Radio Antigone. La case d'avant. Matt, bonjour. Alors, normalement c'est Boubou-Fez qui nous fait cette chronique. Malgré le changement de nom, cette chronique est toujours là. Elle nous permet de revenir sur les titres de l'actualité d'il y a quelques années afin de les mettre en perspective et de voir ce qui a changé depuis. Matt, tu m'as dit que tu avais un journal en remplacement de Boubou-Fez. Alors oui, il n'y a pas Boubou-Fez à cause d'un problème technique, mais je suis allé fouiller sur franceinfo.fr et je vous ai trouvé un journal assez vieux en fait dans les titres, parce que tout ce qu'il annonce a plus ou moins changé, a évolué, et pourtant il date que du 18 mars 2020. On l'écoute tout de suite. Attends, trop vite. Il y avait la virgule. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, mercredi 18 mars, bienvenue dans votre 13h et à la une de ce mercredi, la situation dramatique dans le Grand Est et dans les hôpitaux, l'un des principaux foyers du Covid-19, l'armée va évacuer cet après-midi 6 patients vers des hôpitaux du sud de la France. Alors comment accueillir les centaines de nouveaux malades qui arrivent chaque jour aux urgences? On trouvera Ambrine Bida et le professeur Éric Maury, le président de la société de réanimation, il sera notre invité. Tous les déplacements doivent être limités et justifiés, attestation et compte à l'appui. Et en cas de non-respect, l'amende passe à 135 € aujourd'hui. Déjà des centaines de verbalisations et pourtant certains lieux continuent d'être très fréquentés. L'accès aux îles du Morbihan est désormais restreint, on dira, pas comme le mat. Et voilà que les déclarations de l'ancienne ministre de la Santé jettent le trouble. Agnès Buzyn affirme dans une interview avoir averti le gouvernement dès la fin janvier que les élections municipales ne pourraient se tenir. Que savait-elle réellement? Que savait l'exécutif? Les oppositions demandent des explications. Comment rapatrier au plus vite des milliers de Français actuellement bloqués à l'étranger? Le nombre de vols ne cesse de diminuer. Le Quai d'Orsay demande aux compagnies aériennes de maintenir des vols et de modérer leurs prix pour permettre ces rapatriements. Enfin, nous terminerons avec un petit peu de légèreté dans cette actualité bien morose, avec ce qui est dit confinement, dit vidéos postées sur les réseaux sociaux, et certaines, vous allez le voir, sont assez savoureuses. C'est à découvrir en fin de journée. Et voilà le journal de 13h du mercredi 18 mars 2020, présenté par Jean-Baptiste Marteau. Est-ce que vous êtes là? Oui. Nous sommes là, oui. Vous êtes là. Et donc oui, je vous l'avais dit en introduction, parce que même si ça date d'il y a moins d'un mois, et ben ça a déjà, tout a déjà beaucoup évolué. Tout d'abord, la situation du coronavirus dans le Grand Est, ça c'était le premier titre. Ça parlait aussi du confinement et de l'amende de 135 euros. Mais le journal parlait également des déclarations d'Agnès Buzyn à propos du coronavirus. Elle disait que dès janvier, elle l'avait vu venir. Mais ça parlait également des rapatriements des étrangers très difficiles. Bon, autant vous dire qu'aujourd'hui, vaut mieux pas essayer de se faire rapatrier en France, je pense. Donc, je vais réunifier les deux premiers titres pour que ce soit plus clair. La situation du coronavirus. Parce que 18 mars, attendez. Si 18 mars, on était déjà pas en confinement, je sais plus, mais ça s'approchait, voilà. Et donc déjà les 135 euros d'amende, le confinement, et déjà en fait les Parisiens qui étaient en train de fuir vers les résidences secondaires, ils disaient dans les titres des îles du Morbihan qui ont été fermées. Vous voulez réagir? En tout cas, ce qu'on a pu voir, d'après ce que j'ai trouvé dans les médias, c'est que c'est vrai que sur les îles, notamment sur l'île de Ré, sur l'île de Léron, il y a eu une augmentation exponentielle des cas de coronavirus, de COVID-19. Et c'est vraiment de l'inconscience complète, totale, absolue de la part des Parisiens. J'espère que le gouvernement a fait moult erreurs, notamment sur la communication. On peut parler des masques, par exemple, c'est comme ça, il a dit. Non, c'est bon, pas besoin de masque. Là, en fait, il en faut. C'est de l'amateurisme. Mais le gouvernement avait bien dit dès le départ qu'il n'avait pas bougé. Tous les Parisiens qui se sont barrés, clairement, pour aller voir ailleurs ce qui se passait. Parce que c'est vrai qu'on est mieux au bord de la mer ou à la montagne que rester dans son 25 mètres carrés, c'est ce que j'aurais dit à moi, évidemment. C'est de l'inconscience pure. Il y a des gens qui n'avaient aucun problème, qui sont décédés probablement à cause de ça. C'est surréaliste. Et les amendes, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Mais oui, mais le problème, c'est qu'en fait, au début du confinement, tous les Parisiens... tous les Parisiens... Non, pas tous les Parisiens, parce que ceux qui posent le plus de problèmes, en fait, c'est ceux qui devraient en poser le moins. C'est-à-dire que ceux qui vont dans leur résidence secondaire, en fait, c'est ceux qui ont une résidence secondaire, donc qui ont assez d'argent pour avoir un appartement bien à Paris, parce qu'il y a des gens à Paris en banlieue de Paris qui ont des appartements mille fois moins bien que ceux qui partent, en fait. Surtout que eux, ils ont de la chance, effectivement, de pouvoir se barrer, clairement. Sauf qu'ils pensent pas aux gens qui sont déjà malheureusement confinés, eux, sur une île où ils habitent clairement. Et puis le confinement, faut quand même pas oublier que dans le confinement, il y a plus. Et visiblement, les Parisiens, ils ont plus pensé à con qu'à finement. Oh là là. Et pourtant, je dormais une parisienne. Mais oui, c'est... En fait, le grand problème, je pense, ça a été la communication. Et la communication, on va en venir au second titre. Non, au deuxième titre, pardon. Parce que second, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est justement les déclarations d'Agnès Buzyn. Qui a annoncé que dès janvier, elle avait prédit un petit peu, elle a fait sa Madame Irma, et elle a dit que le coronavirus, ça allait venir, ça allait être n'importe quoi, qu'il fallait annoncer municipal. Mais sauf que, on dit ça, Et enfin, elle a dit ça, mais en même temps, en janvier, il faut savoir que pendant que les autres pays commençaient à songer au confinement, l'Italie notamment, et ben en fait, en France, qu'est-ce qu'on faisait ? On mettait des affiches dans les aéroports. C'est-à-dire que les personnes qui arrivaient par exemple à Berlin, en Allemagne, tout ça, quand ils arrivaient, ils étaient contrôlés, tout ça, il y avait les gens qui étaient cagoulés, masqués pour les contrôler. Sauf que en France, quand ils sont arrivés, personne ne savait quoi dire, ils sont juste arrivés, oui, bah lisez cette affiche, et c'est tout. Du coup, en fait, c'est ça, les déclarations d'Agnès Buzyn qui ont déjà fait une bombe, qui s'est vite en fait explosé un petit peu, et on est vite passé après. Mais je pense que ça, c'est ce genre de maladresse du gouvernement qu'elle critiquait, elle notamment. Mais il y a ça, et après il y a aussi les déclarations, par exemple, de Didier Lallemand, le préfet de police, qui a dit il n'y a pas très longtemps que c'était tous ceux qui étaient confinés, bah non, tous ceux qui étaient en réanimation, c'était ceux qui n'avaient pas respecté le confinement. Enfin bref, le gouvernement accumule les erreurs, et ça va se savoir, hein, ça va se faire savoir, ça va se faire entendre. Bah oui, puis on l'a entendu dans tout, bah ici sur Radio Antigone et dans tous les médias. Les gens sont fatigués, les services publics sont fatigués, ils en ont marre. Ils en ont marre de cette inconscience permanente du gouvernement qui pense uniquement à se protéger. Et surtout, le pire, c'est pour en venir à Sylvie Tendey qui avait dit qu'elle mentirait pour protéger le gouvernement, en particulier Emmanuel Macron. C'est-à-dire que quand on repense à ce qu'elle a dit là, soit en fait c'est simplement qu'ils veulent que le pays se débeuble avec des étrangers, soit c'est de l'inconscience pure, soit c'est de la connerie absolue. Il y a un véritable problème de fond. On ne peut pas tout maîtriser, nous, dans les médias et tout ça, évidemment. Mais il y a un moment, il faut se rendre compte que ce qui se passe au gouvernement, c'est quand même relativement grave. Il faut peut-être passer au bon titre. Et après, je vais peut-être... Je termine là-dessus, je vais peut-être partir sur un terrain glissant, mais je pense qu'il y a aussi un problème d'ego, c'est-à-dire que le gouvernement, ils sont dans leur bulle, ils font leur truc et ils ont raison. C'est-à-dire que je pense que depuis 2017, est-ce qu'il y a une seule fois où le gouvernement a rétropédalé, ils ont dit ah mince, on s'est trompé? Jamais. Ah oups, désolé. Oui, jamais. Sauf que là, il y a des morts. Ou alors, en fait, c'est ça. C'est que là, il n'y a pas de « Ah, oups, désolé, c'est des... » Non, mais vous avez pas compris. On va vous expliquer. C'est ce qu'ils avaient fait avec le grand débat. Sur des vies, on peut pas dire « Ah, bah mince, on s'est trompé, il y a eu plein de morts. C'est dommage. » Ça, c'est pas possible, effectivement. Mais oui. Et on va en venir au dernier titre. Au dernier titre qui était les réseaux sociaux. Parce que ils ont joué un grand rôle. Et en fait, les réseaux sociaux et tout Internet, ça a joué un rôle extrêmement important, ça joue encore un rôle extrêmement important, c'est-à-dire que il y a l'apparition du challenge pour occuper le temps, les vidéos drôles, les TikTok, Twitter, Instagram, tout ça, et en fait, ça, c'est, pardon, j'avais ma salive, c'est tout ça, en fait, qui, ça, j'ai l'impression que ce confinement, il montre un peu l'utilité des réseaux sociaux, l'utilité d'Internet, notamment, j'ai vu passer des memes sur des profs qui disent Internet ça sert à rien et qui se retrouvent pendant le confinement à faire cours sur Internet. Donc, est-ce que vous pensez, vous, que en fait c'est ça qui a justement, genre, que le confinement a révélé un peu l'intérêt d'Internet? Le confinement a surtout révélé probablement les failles, pour être exactement bien, comme tu disais, avec l'éducation nationale, toutes les failles techniques, vraiment bien pour travailler à côté. Les failles techniques de multimédia, d'accès, de technologie de l'écriture, absolument catastrophique. Là, ils se sont tout pris en plein dans le pif. Ils n'avaient pas prévu ça. Ils se disent, ah, effectivement, l'école du numérique, là, en fait, ils leur ont fait un gros feu, j'ai l'impression. Et ce feu, le problème, c'est que pour l'éteindre, après le confinement, on va falloir sérieusement remettre tout ça en question, très rapidement, que ce soit dans les questions hospitalières, comme également dans les hôpitaux, les structures hospitalières et culturelles. Et oui, le problème, c'est qu'en fait, il y a eu le Premier ministre qui a dit au tout début, Il a dit, non, mais c'est bon, les écoles vont pas être fermées. Et dès que les écoles ont été fermées, il a dit, on se préparait à ça depuis des mois. Ce qui est faux. Du coup, ça a révélé de nombreuses failles qui, j'espère, seront résolues. C'est la fin de ma chronique, Enzo. Très bien. Merci beaucoup, Matt, pour cette case d'avant un petit chronique peu perturbée que Bouboufès nous prépare normalement. On a dû la préparer à la dernière minute. Elle sera mieux préparée demain, bien sûr. La case d'il y a deux semaines. Qu'y a-t-il ? Tu disais ? Très bien. Rien. Peut-être un peu de musique ? Mais oui, bah, j'attendais que Matt répète ce qu'il disait, mais non. Donc je vous propose, juste avant de faire un point sur l'actualité avec Antoine Ricard, qui est là, d'écouter Aloïs Sauvage avec À l'horizontale. D'accord, ah, ça se termine très violemment, je ne m'y attendais pas, c'était Aloïs Sauvage avec À l'horizontale dans votre case d'histoire sur Radio Antigone. Il est 19h01, bienvenue à tous. Peut-être. Radio Antigone. Radio Antigone, la radio à vif. Je vous propose de faire un point sur l'actualité avec Antoine Ricard. Bonsoir Antoine. Bonsoir, les chiffres du jour pour l'Italie concernant le coronavirus. Le nombre de morts est à 16 153, malheureusement. 636 morts en plus aujourd'hui, soit un total de 132 547 personnes contaminées par le virus chez le voisin italien. La France va sans doute connaître son départ à pirater de restituer économique la fin de la Seconde Guerre mondiale, a estimé ce matin Bruno Le Maire en interview, alors que toujours en France, la fameuse attestation dérogatoire de déplacement est désormais disponible sur votre téléphone intelligent. C'est disponible en tapant sur votre meilleur moteur de recherche. Le ministère de l'Intérieur espère et nous annonce qu'il n'y aura pas de fichage. L'actualité, c'est également Angela Merkel qui a appelé pour que l'Europe devienne plus souveraine dans la production des masques sanitaires, alors que les approvisionnements en marge asiatique font aujourd'hui l'objet d'une compétition mondiale, notamment avec Donald Trump. Enfin, en fin de matinée, début d'après-midi, il y a eu un éclaté après un incendie à l'usine Blédina de Tranchon-sur-Saône, à quelques encablures au nord de Lyon, dans le Rhône. La préfecture du Rhône précise à nos collègues de France Info que les mesures de toxicité montrent qu'il n'y a aucun danger pour les riverains et que le dispositif a été relevé. Radio Antigone. La météo. Eh bien, le temps demain, eh bien oui, il devrait faire beau ici en Touraine et sur la majeure partie du pays. En tout cas, il fera bon de 20h jusqu'à 23 degrés. Le soleil sera là avec quelques masses nuageuses venant de Bretagne, alors que le week-end prochain s'annonce d'ores et déjà humide. Les marchés financiers. Alors que le CAC 40 ferme avec une très belle hausse de 4,65% à 4346 points, comme les marchés européens tels que le FTSE à 5582 points ou aux États-Unis, où le Dow Jones gagne dans les 5% alors qu'il est, car évidemment c'est toujours ouvert. En France, le CAC fut porté par les belles performances du constructeur d'automobile Renault avec 14% de hausse avec une cote à 18 euros, Bouygues ou encore Accor, la chaîne hôtelière. Seule baisse très légère ce soir, c'est L'Oréal qui perd un tout petit 0,38%. Le pétrole, quant à lui, pour le Brent, perdait ce soir encore 5% avec un baril à 32$. Donc vous êtes une très belle soirée. Tout de suite, c'est la suite de la case du soir avec Cano et toute l'équipe. Merci beaucoup Antoine. Antoine Ricard, on te retrouve à 19h30. Merci pour ce point très complet sur l'actualité. Et le générique de la case du soir ne se lance pas, mais ce n'est rien. Vous êtes sur Radio Antigone, pour la dernière demi-heure de la case du soir. Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours en direct. Dans quelques minutes, nous allons écouter Désolé de Gorillaz, accompagné un peu plus tard de Chromatics avec Into the Black. Vous allez également retrouver le quiz et la chronique de Matt qui eux aussi sont toujours présents dans cette nouvelle formule de l'émission. Générique. 17h30, 19h30, la case du soir. C'est l'heure des actus du numérique. Radio Antigone. Les actus du numérique. Je m'excuse, j'ai été totalement perturbé là depuis ce journal. Depuis ce journal du passé, totalement. Depuis la case d'avant qui a été un petit peu perturbée. Nous sommes toujours avec Matt et Antoine, bien sûr. Très bien. Oui, oui. Désolé Antoine pour le belge qui n'est pas arrivé au bon moment. Je suis totalement à la ramasse. Ça m'a complètement perturbé. Alors les actus numériques, je vais vous parler de cette nouvelle attestation de déplacement dérogatoire qui est maintenant disponible sur votre smartphone. Antoine vous en a parlé il y a quelques minutes. Elle est retrouvable sur le site du gouvernement et avec des liens bien sûr sur un grand nombre de médias. Vous retrouvez facilement le raccourci pour avoir l'attestation sur mobile. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez un formulaire, vous remplissez les informations demandées, nom, prénom, vous cochez la raison de la sortie. Vous renseignez le jour et l'heure, et puis après ça vous génère un beau petit fichier avec un QR code, le QR code qui va permettre de faciliter la vérification des forces de l'ordre, en espérant bien sûr qu'ils sachent faire pour qu'ils n'aient pas à prendre notre téléphone pour scanner le QR code, afin de ne pas transmettre les microbes bien sûr. Nous sommes d'accord? Oui. Très bien. Et pour information, pour tous ceux qui s'inquiéteraient de vos données personnelles, puisque vous n'avez pas le document PDF à remplir, vous remplissez vraiment un formulaire et après il vous renvoie sur quelque chose de personnalisé. Non, il n'y a pas de problème concernant ces données. Les données sont bien respectées. Tout se fait en interne sur votre téléphone. Ça a été vérifié par des anonymes qui ont étudié le code du système qui nous permet d'avoir ce document. Donc ne vous inquiétez pas pour vos données personnelles, normalement elles restent sur votre téléphone. Voilà ce que je peux dire pour ces actes du numérique un petit peu raccourcis. Il y a Matt qui voulait rajouter une petite chose. Vas-y Matt, fais-toi plaisir Matt du 17h30, 18h. Oui, oui. On l'entend ou pas? Matt? On t'entend pas, je crois. Enfin, nous, on t'entend, mais on t'entend pas à l'antenne. Ah, on n'entend pas à l'antenne. Très bien. Wouhou, super. Normalement, on devrait l'entendre. Allô, Matt? Est-ce que tu nous entends? Oui. Ah bah voilà. Ah c'est bon. Eh bien, vas-y. Je m'entends. Et donc non, je voulais juste rajouter et vous dire que de toute façon, il ne peut pas y avoir de problème de données vu que c'est mis sur le site du ministère de l'Intérieur, donc intérieur.gouv.fr. Donc normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, alors je précisais ça parce qu'on pouvait s'inquiéter, même si c'est du ministère, du gouvernement, on pouvait s'inquiéter justement de possibles données que le ministère aurait pu utiliser pour ficher, pour certaines personnes pourraient croire qu'il y a ces problèmes, pour ficher ou pour contrôler que l'on est bien confiné en pouvant localiser notre téléphone après avec nos noms. Voilà, c'est pour ça que je faisais cette précision, puisque ça tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, ça a été testé, il n'y a normalement aucun problème. Nickel. Voilà. Et bien, pour ajouter information dont on parlait il y a quelques minutes, il y a une demi-heure dans le journal. Il faut bien répéter que ce qu'a raconté Cyril Hanouna ce soir en direct. qu'un déconfinement qui sera enfin interdit est complètement faux pour l'instant. C'est la merde. Il n'y a pas d'information à ce sujet. Oui, Cyril Hanouna, il est bien pour le divertissement, pour l'info, c'est pas encore ça. Clairement. Très bien, alors je vous propose d'écouter un peu de musique, voilà, puisque nous sommes quand même sur Radio Antigone. Oui, je suis encore complètement, comme j'ai dit, de travers à la ramasse, c'est très mal préparé aujourd'hui, c'est très étonnant. Je m'excuse auprès de tout le monde tout de suite, c'est il faut bien que je le prononce, Gorillaz. Je vais encore me faire taper sur les doigts, voilà, Gorillaz, et avec Désolé sur Radio Antigone, bienvenue à tous. C'est la case du soir qui continue pendant encore 20 minutes. Gorillaz avec Désolé sur Radio Antigone et merci à lui de me permettre de passer ce message. Je m'excuse de cette dernière partie de la case du soir après le journal d'Antoine là, depuis 18h40 qui est un petit peu tremblotante. Hein. On n'est pas totalement au point, ça sera mieux dès demain. Voilà, il y a eu un petit problème de dernière minute qui nous a un petit peu perturbé dans la préparation. Dans la diffusion, je vous propose de passer à la chronique de Matt. Et Matt, tu nous parles de Nekfeu, c'est ça ? Le rappeur Nekfeu a eu 30 ans en ce début de week-end et il en a profité pour faire un coup d'éclat, arrêter sa carrière. Dans l'univers, il y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. Il a débuté dans le rap en 2007 dans plusieurs collectifs comme le Escrew et 1995. En 2015, il sort en solo plusieurs singles comme On verra, Égérie ou encore Tempête. Ces titres annoncent la sortie de son premier album solo en 2015, Feu. Les critiques sont très positives et 2 ans après sa sortie, il devient disque de diamant. En 2016, il sort un nouvel album, Cyborg, et il devient disque de diamant seulement quelques semaines après sa sortie. Plus récemment, en mai 2019, il sort son album Les Étoiles Vagabondes, qui accompagne un autre projet, un film documentaire du même nom, réalisé par Cyrine Boulanoir et Nekfeu lui-même. 2 mois et demi après sa sortie, l'album est certifié triple disque de platine. Il est également nommé dans la catégorie Album de l'année aux Victoires de la Musique de février 2020. Et même si notre amour a été devait renaître demain. Il a donc eu une carrière dans le rap, mais aussi dans le cinéma, notamment dans Tout nous sépare, aux côtés de Catherine Deneuve. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal, pourtant dans l'univers il y a des milliards de vies sur Terre. Et c'est donc ce week-end qu'il a, pour son anniversaire des 30 ans, supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux, ne reste que ses clips sur YouTube. Le rappeur a donc réussi à faire encore parler de lui après avoir laissé entendre depuis quelques mois une possible fin de carrière à son apogée. Qu'on serait même pas heureux ensemble. Nekfeu et Vanessa Paradis dans le titre, dans l'univers, extrait de l'album Les Étoiles Vagabondes. Le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme. Merci beaucoup Matt pour cette chronique sur l'arrêt de carrière de Nekfeu. C'est l'heure de passer au quiz. Et oui, vous êtes sur Radio Antigone, c'est déjà l'heure du quiz, je crois. Nous sommes tous là, toute l'équipe est là, rebonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonjour Matt, oui. Non. Ah, pardon, je toussais, ce n'est pas le coronavirus, rassurez-vous, quoique. Moi, je vous prépare le journal de 19h30. Très bien, donc tu ne vas pas pouvoir jouer, je suppose. Si. Bah si, sinon on est un peu dans la mouise, hein. Oui. Alors, ça s'appelle, quel thème voulez-vous jouer aujourd'hui? Mais moi, je veux jouer sur les lignes. Quel thème nous proposes-tu? Alors, j'ai toujours rien entendu, Antoine. Les lignes de bus de Tours. Non, pas ça. Ah, j'ai pas pu. On peut changer. Aussi précis. Il y a pas un thème. Il y a pas un thème média ou quelque chose comme ça. Alors là, non. Malheureusement, non. Quoi? Par contre, tu parles de plus en plus fort. Qui est le compositeur de l'habillage de France en fond? Jean-Michel Jarre. Mais là, celle-là, je vous la poserai pas. Ou Gérard Calvi en 1980 et des poussières. Gérard Calvi, effectivement. Très bien. Donc, je vous propose Astronomie et espace ou Le monde animal. Astronomie et espace. Je m'en tape. Antoine, tu es d'accord? Je m'en fous. Ouais, ah bah, bah dis donc. Il y a de la bonne humeur aujourd'hui, hein, ça donne envie. Chers auditeurs, rassurez-vous, Antoine est plus sympa pendant les journaux. Quoique. Antoine est quoi, tu as dit? Est plus sympa pendant les journaux, quoique. Oui, on va voir. Allez, je propose de passer au début du quiz. Alors, nous prenons notre fusée. Le temps que je prenne les cartes correspondantes et je propose à Matt de commencer. Avec oui. La première question. Matt. Je suis là. Très bien. Alors là. La question, on peut pas faire plus simple. Hein. Si tu as gagné un séjour à bord de l'ISS, où vas-tu? Dans la station Mir, dans la station spatiale internationale ou à l'université spatiale internationale? Oh là là, c'est question niveau primaire. Bah, dans l'ISS, la station spatiale internationale, International Spatial Station. Bah, tu sais quoi? C'est une bonne réponse, bien sûr. J'ai eu peur. Je mets du suspense là où il n'y en a pas, en fait. Hein. Voilà, tu l'as très bien dit, l'International Space Station. La mise en orbite de cette station a été entamée en 1998 et un premier équipage de 3 personnes y est arrivé en novembre 2000. Antoine, es-tu prêt pour ta question? 1 point pour Matt. Antoine, il faut rester collé. Antoine, bonsoir. J'entends Antoine taper sur son clavier. Je crois qu'il nous écoute pas. Antoine, bonsoir. Ah si, Antoine répond via son clavier. Et pourquoi tu ne parles pas dans le micro? Mais allez-y là, j'attends. Ah, tu veux la question en fait, tu veux pas dire un mot? D'accord. Très bien, bon. Alors c'est parti pour la question. Les comètes voyagent dans l'univers et arrivent dans notre système solaire. En 1994, la comète Shoemaker-Levy est entrée en collision avec Jupiter, le Soleil ou la Terre. Alors je vous traduis, il a dit A et il dit Jupiter. Mais c'est qu'il est fort! Mais oui, c'est Jupiter! Elle a été attirée, cette comète, par... C'est la logique, c'est tout! Il va griller la table de mixage. Oui! Elle a été attirée par la très forte attraction de Jupiter. Le choc a été violent et pourtant la planète géante n'a eu aucune égratignure. Bravo Antoine! Oh. Voilà un point partout. C'est très bien. Vous êtes en forme aujourd'hui. En forme, question suivante. Oui. Allez, c'est parti. Lors d'un long séjour dans l'espace, pour te faire couper les cheveux, il te faut l'aide d'au moins une personne, deux personnes ou trois personnes. Je vais dire deux. Eh bien, voilà. C'est ça. C'est ça, tu as choisi ni trop peu, ni trop. Alors il faut savoir que en fait, si on coupe les cheveux, les cheveux vont flotter dans la station, donc il faut une deuxième personne qui aspire les cheveux coupés. Et c'est pareil pour la barbe, il faut utiliser un rasoir qui est équipé d'un mini aspirateur. Bravo, deuxième point pour toi, Matt. Antoine, c'est à toi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, merci d'une tondeuse et d'un coiffeur. Oui. C'est deux personnes, effectivement. Ah oui. Alors Antoine, je repars vers les astres encore plus avec toi. Depuis plus de 2000 ans, la comète de Halley vient régulièrement nous rendre visite. Mais elle passe environ tous les 36 ans, 76 ans ou 216 ans. Je crois que c'est 76. Mais si ils sont forts aujourd'hui, bravo Antoine. Deuxième Merci. Bonne réponse. Alors, il faut savoir que cette comète porte le nom du célèbre astronome. J'ai du mal, hein. Désolé. Alors, cette comète, ça va aller, porte donc le nom du célèbre astronome anglais Edmund Halley, qui au 17e siècle a observé le passage de cette comète. C'est lui qui a calculé son orbite et qui a prédit précisément son retour. Le prochain passage de la comète de Halley est prévu dans, attendez que je calcule, dans tout pile 31 ans, en 2061. Oh, voilà. Quelle information. Tout simplement, et donc 2 points partout. Je ne peux que vous féliciter pour l'instant. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute de la musique entre temps ou pas? Oui. Je vous refais une question. Par contre, si vous voulez bien, avant. Non. Avec plaisir. Ça m'arrangerait en fait. Donc, si vous voulez bien, je refais une question dans cette première de la case du soir, première qui est un petit peu catastrophique pour ma part. Non. Pas catastrophique. Si. Compliqué. Voilà. Compliqué. Oui. J'ai été totalement perturbé par cette case du d'avant. Ça m'a complètement tout retourné. Donc, Matt. Matt, encore une question très très facile. Alors là, si tu ne réponds pas, je te mute de l'émission jusqu'à 2035. Voilà. Voilà. Oh là là. Allez. J'ai intérêt à répondre. Quel astre prête son nom au roi de France Louis XIV? Quel quoi? Quel astre prête son nom au roi de France Louis XIV? Je n'ai même pas envie de mettre les propositions en fait. Ah! Vénus, le soleil ou la lune? Le soleil? Bah voilà, tout simplement, on l'appelle pas le roi Vénus ou le roi lune. Hein. Oui. S'il y avait un peu une tête de E, non, mais voilà. Mais oui, j'avais été un peu perdu parce que je pensais qu'en fait c'était dans l'autre sens. Genre, quel astre a le nom de Louis XIV? Genre, par exemple, tu vois, genre la lune qui s'appelle Louis XIV. Alors, tant que la planète Terre ne s'appelle pas Louis XIV, ça va à peu près bien dans le monde. Très bien. C'est beau ce que vous dites. Antoine, es-tu prêt? Alors, je sais que tu m'as proposé une musique, mais il y en avait une de prévue, non? Je sais pas, mais allons-y pour la question. Je sais même plus. Mais rapidement, parce qu'il est déjà 26. Oui, il est déjà 26. Eh bien, la dernière question. Après l'URSS, allons-y. Les USA et la France, quel pays a envoyé pour la première fois un satellite dans l'espace? Est-ce que c'est le Japon, l'Angleterre ou la Chine? La question est donc, qui a été le quatrième à envoyer un satellite Japon dans l'Espagne? Eh ben, vous savez quoi? Vous restez à 3 points partout puisque c'est effectivement le Japon. Le premier satellite japonais, il s'appelait Oshumi. Il a été mis en orbite le 11 février 1970. Et quelques mois plus tard, c'est la Chine qui a envoyé son premier satellite qui s'appelle Dongfang Hong Wan. Voilà. Eh ben, dis donc. Si c'est pas du talent, ça. Eh oui, hein. Il suffisait que Google Fest soit pas là. C'est beau. Alors, nous revenons dans quelques instants pour la suite du quiz. Le temps d'écouter le titre que vous entendez dernier mois et que Antoine a demandé, c'est False avec Olympic Airways. Bienvenue sur Radio Antigone, la radio à vif, la case du soir. Si j'allume le micro, c'est quand même mieux. False avec Olympic Airways sur Radio Antigone, il est 19h32. La case du soir se termine dans quelques minutes après un point sur l'info d'Antoine Ricard. Radio Antigone, la radio à vif. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Il n'y a pas de générique, c'est pas grave. Ah, bah tu voulais aussi un générique, ah bah mince, j'ai pas... Ah oui, je te l'ai dit. Je me suis dit, mais tu veux aussi le générique. On mettra un générique de fin, Enzo. Très bien, le générique météo est prêt en tout cas. N'oublie pas le générique de fin. Oui, oui. Il est 19h32, merci d'être avec nous, c'est la classe du soir, on refait un tour sur l'info. Évidemment, les chiffres en France qui sont tombés il y a quelques minutes, 605 morts en France en plus, en 24 heures, donc depuis hier, dans les hôpitaux en France, soit 8911 décès dans l'Hexagone, dont 2417 dans les maisons de retraite. La France qui va sans doute connaître la pire année de récession économique de la Seconde Guerre mondiale, annonce le ministre de l'Économie Bruno Le Maire ce matin, alors qu'Angela Merkel plaide pour une Europe plus souveraine dans la production de masques sanitaires, alors que les approvisionnements ont provoqué une forte compétition mondiale, notamment avec les États-Unis de Donald Trump. En Italie, on a dépassé les 6 décès dans le pays en forme de boîte. 636 personnes de plus ont perdu la vie aujourd'hui. Et puis enfin, Villefranche-sur-Saône, un incident chimique s'est déclaré dans le début de l'après-midi à l'usine Blédina, donc c'est dans le Rhône. Mais désormais, tout est rentré dans leur météo. Allez, elle vient ou pas ? Météo. Oh là là ! Radio Antigone. Eh bien, rapidement, le temps de demain, il fera beau et il fera chaud. Voilà, vous pouvez ranger vos parapluies génériques. Enfin, on y va. Suite, la suite du quiz et la fin. Prochain rendez-vous de information à partir de 20h. Très soirée. C'est très bizarre parce qu'on était bien au point pour l'émission hashtag Restez chez vous. Et là, nouveau nom. Plus rien ne va. Alors... donc oui, merci Antoine d'avoir parlé sur le générique météo avec là les deux voix off Radio Antigone, la météo, mais ce n'est rien. On va attendre sa réponse, voilà. Je vous propose de terminer, on est un peu en retard, pour départager, pour les départager. D'accord. Très bien, bon, on finit le quiz rapidement. Vous êtes Antoine et Matt à égalité, 3 points chacun. Je vous propose une question pour vous départager. Il n'y aura pas de proposition de réponse. Le premier qui trouve gagne le quiz du jour. Voilà, êtes-vous prêt ? Ouais. Oui, je suis prêt. Eh bien parfait, voici la question. Je sais. Où se trouve le plus haut observatoire du monde, celui qui est placé le plus haut. Ouais. En tout cas, je peux dire que c'est sur le Mont Blanc. Non, c'est dans l'Oural, c'est en Russie. Non. En Chine. Non. Faut donner le nom du pays. Oui. Allô. D'accord. Eh ben moi. Oula. Vous êtes là ? Allô ? Êtes-vous là ? S'il vous plaît ? Non, on n'est pas là puisque la connexion est coupée. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Quand allô, ça veut allô. Pas, ça veut pas. Vas-y, donc vous êtes là de retour. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, bah voilà. Moi je dirais que c'est en. C'est sur la planète Terre. Bonne réponse. Ah non, ouais, je peux pas te la compter, mais oui, c'est sur la planète Terre. Bah si, bah si, bah si. Pakistan. Non, alors mais petit non, mais indice, ça doit être genre... C'est sur une île, ouais, là. Vas-y. C'est mon indice. Quel est ton indice ? J'ai pas... Sur une île ? Japon ? Non. Bah c'est pas en Corse. Non, sur une île américaine. Hawaï! Genre Tahiti. Antoine? Non, mais c'est français, Tahiti. Antoine? Bravo! Pardon. C'est effectivement Hawaï! Et figurez-vous qu'il y en a deux de télescopes dans cet observatoire. C'est l'observatoire de Mauna Kea. Ils sont installés au sommet d'un ancien volcan qui est situé au nord de l'île, à quand même, tenez-vous bien, 4200 mètres d'altitude. Alors, si cette émission ne volait pas aussi haut aujourd'hui, malheureusement, nous nous excusons. Bravo Antoine pour cette belle victoire. Bravo Matt, vous, tu t'es bien battu quand même avec des bonnes idées. On se retrouve tous demain ? Peut-être. Mais oui. Peut-être. Alors je m'excuse encore de cette émission quelque non, peu. Non mais tout s'est bien passé. Voilà. À demain. À demain. Mais oui, attendez, j'allais faire une belle intro. Ah bah pardon. Ah, intro, avec pardon. Le beau générique. Voilà, ça arrive. Demain, c'est pas le beau générique. Sûr, vous retrouvez dès 17h30 Matt pour son non, ça s'appelle plus son before hein, là, il va falloir que je m'y fasse. Pour la case musicale jusqu'à 18h, à partir de 18h et juste avant l'émission, et il y aura le grand, le radio journal. Oui, allô, mamie. Oui, Antoine. Ça va, mamie? Ouais. Ah, pardon. Voilà, je te rappelle. Très bien. Merci, Antoine. Excusez-moi, n'hésite pas à être au téléphone pour faire une émission, hein. Mais oui. Bon, donc, jeudi, c'est 17h30, 18h, vous retrouvez Matt pour la case musicale. Et avec à 17h45 ma chronique. C'est Antoine pour son radio journal. Et à partir de 18h35, nous 11 célibataires coupés du. Philippe. Laure. Mais quoi cette. Pourquoi vous lancez des choses? Bon, allez. Très bien. Et donc, nous retrouvons ensemble pour la case Talk à partir de 18h35, 18h40. Avec la case d'avant, sûrement avec Bouboufest pour débattre des anciens titres de l'actualité et toutes vos chroniques habituelles avec toute l'équipe. Bonne soirée à tous, à très bientôt sur Radio Antigone. Bravo. Enzo.